Écoute bien. Faut arrêter de miner. Ouais. C'est pour les frères de la rue. Comme d'hab. Faut arrêter de miner. Ici c'est tragique. Ça trafique, ça se brûle. Cric, cric et les sales flics nous niquent. Demain je vais tes bras. Hold up mon petit père, on se couche. Tout le monde à terre. Faut arrêter de piner. Ici c'est tragique, ça trafique, ça se brûle. Cric, cric et les sales flics nous niquent. Psatique, si tu trahis, bois ta.